ça qui est là va raconter ma ça y est ouais ça qui part là yo pas compte qui j'en ça t'est passé on y va ouais. Wadim ki sote wè, Wadim so wè, 50,000 moun nan sole chou kapton nou, Wadim so wè, moun yo mobilize drapo nan mè, Wadim so wè, nou men yap don pou komanse, 99 lè yo te invite, istan takwe pou ntan patisipe, tout lòk nasyon ki te kondomine, depuis Vice là, paraît tout ça changé. Avec fierté, les deux drapeaux, bien haut. Frappe la tête, fait tout le monde trembler. Tim Sawé. Yo sais, il fait pomper sous des news. Tim Sawé. Daria Joya a demandé ça qu'a passé là. Tim Sawé. Depuis là, ça s'est fini une tradition. Tim Sawé. New York, tournée, Vice City. Father, what's going on? What's going on? depois.